On était en automne, l'atmosphère était tendue. Déjà l'un de nos hommes avait disparu. Le ministre de la Justice, dans son allocution, nous avait mis en garde contre la subversion. Puis le soir même, à l'heure que je sortais de chez moi, une voiture devant ma porte s'arrêta. Trois hommes en jaillir, revolver à la main, et je fus emporté vers mon destin. Quand ils m'eurent enfermé dans une vieille maison, ils firent savoir la nature de ma rançon. Le gouvernement était forcé de céder, sinon passé trois jours je serais exécuté. J'étais assez confiant, car il est souvent prouvé que c'est le moins bête qui cède en premier. Mais à ma grande stupeur, le président décréta l'état d'urgence et de céder, il refusa. Mes ravisseurs alors, visiblement ennuyés, me dirent: mon pauvre vieux, on est désolé. Tes amis t'abandonnent et nous ne pouvons plus reculer. À contre-cœur la gorge, ils m'ont tranché. Car vous avez perdu de vue que l'homme n'est pas un moyen mais un but. Un otage ça vaut pas cher pour les gouvernants. Pour eux sauver la face c'est bien plus important. N'empêche qu'à ma place j'aime.